Les bals de jeunes étudiants consacrés à la journée de la brillante étoile se sont déroulés le 16 devant le monument à la fondation du parti, sur la place de l'Arc de Triomphe et ailleurs de la capitale. Ils ont dansé en formulant la gloire éternelle au général Kim Jong-il, qui a porté la dignité et la capacité de la puissance Paektusan au niveau suprême, avec ses éminentes idées et directions, jetées de solides bases du progrès et de la prospérité éternelle de la nation et de l'avenir radieux de l'humanité. Les bals ont eu lieu également le même jour dans tous les chefs-lieux des provinces, les villes et arrondissements du pays.